Poutine est badass comme un vieux briscard, face à Biden gâteux qui est très bizarre. Macron avec Brigitte, c'est chelou. La Russie se meurt, l'Occident est fou. Le Kremlin en transe, les autres se plantent sur l'échiquier mondial. Poutine s'impose et chante. Poutine, roi des steppes, fort et couillu. Biden trébuche, Macron se fait huer. La Russie avance, l'Occident foutu. Le tsar des temps modernes en acier trempé. Vladimir en apnée, ne craint pas la noyade. Biden en déambulateur, c'est la débandade. Macron, gros bourricot, prend dans l'oignon. Le Kremlin rigole, c'est le gros carton. Dans cette comédie, qui tient le pôle? Poutine, bien sûr, met du contrôle. Poutine, roi des steppes, fort et couillu. Biden trébuche, Macron se fait huer. La Russie avance, l'Occident foutu. Le tsar des temps modernes en acier trempé. À cheval ou torse poil, il est viril. Biden gaffe sans arrêt, c'est très fragile. Macron cherche sa place, toujours paumé. La Russie triomphe, tel un boss assumé. Dans ce grand bordel qui mène le bal, Poutine sans doute reste l'idéal. Poutine, roi des steppes, fort et couillu. Biden trébuche, Macron se fait huer. La Russie avance, l'Occident